Chapitre 18. Les chasseurs de chevelure. Il était presque nuit quand nous arrivâmes au camp des chasseurs de scalps. Notre arrivée fut à peine remarquée. Les hommes, près desquels nous passions, se bornaient à jeter un coup d'œil sur nous. Pas un ne se leva de son siège ou ne se dérangea de son occupation. On nous laissa desceller nos chevaux et les placer où nous le jugeâmes à propos. J'étais fatigué de la course, après avoir passé si longtemps sans faire usage du cheval. J'étendis ma couverture par terre et je m'assis, le dos appuyé contre un tronc d'arbre. J'aurais volontiers dormi, mais l'étrangeté de tous les objets qui m'environnaient tenait mon imagination éveillée. Je regardais et j'écoutais avec une vive curiosité. Il me faudrait le secours du pinceau pour vous donner une esquisse de la scène, et encore ne pourrais-je vous en donner qu'une faible idée. Jamais ensemble plus sauvage et plus pittoresque ne frappa la vue d'aucun homme. Cela me rappelait les gravures où sont représentés les bivouacs de brigands, dont les sombres gorges des Abruzzes. Je décris, d'après des souvenirs qui se rapportent à une époque déjà bien éloignée, de ma vie aventureuse. Je ne puis donc reproduire que les points les plus saillants du tableau. Les petits détails m'ont échappé. Alors, cependant, les moindres choses me frappaient par leur nouveauté, et leur étrangeté fixait pendant quelque temps mon attention. Peu à peu, ces choses me devinrent familières, et dès lors, elles s'effacèrent de ma mémoire, comme le font les actes ordinaires de la vie. Le camp était établi sur la rive du Del Norte, dans une clairière environnée de cotonniers, dont les troncs lisses s'élançaient au-dessus d'un épais fourré de palmiers nains et de baïonnettes espagnoles. Quelques tentes en lambeaux étaient dressées çà et là. On y voyait aussi des huttes en peau de bête, à la manière indienne. Mais le plus grand nombre des chasseurs avaient construit leur abri avec une peau de buffalo, supportée par 4 piquets debout. Il y avait dans le fourré des sortes de cabanes formées de branchages, et couvertes avec des feuilles palmées d'yucca, ou des joncs arrachés au bord de la rivière. Des sentiers frayés à travers le feuillage conduisaient dans toutes les directions. À travers une de ces percées, on apercevait le vert tapis d'une prairie dans laquelle étaient groupés les mules et les mustangs, attachés à des piquets par de longues cordes traînantes. On voyait de tous côtés des ballots, des selles, des brides, celles-là posées sur des troncs d'arbres, celles-ci suspendues aux branches. Des sabres rouillés se balançaient devant les tentes et les huttes. Des ustensiles de campement de toutes sortes, tels que casseroles, chaudières, haches, etc., jonchaient le sol. Autour de grands feux où brillaient des arbres entiers, des groupes d'hommes étaient assis. Ils ne cherchaient pas la chaleur, car la température n'était pas froide. Ils faisaient griller des tranches de venaison, ou fumaient dans des pipes de toutes formes et de toutes dimensions. Quelques-uns fourbissaient leurs armes, ou réparaient leurs vêtements. Des sons de toutes les langues frappaient mon oreille. Lambeaux entremêlés de français, d'espagnol, d'anglais et d'indien. Les exclamations se croisaient, chacune caractérisant la nationalité de ceux qui les proféraient. « Illoa, Dick, kung it, watch her, arg boot. Oula, Dick, accroche-moi ça, vieille grosse, qu'est-ce que tu fais donc ?»« Sacre caramba !»« Par Dieu, monsieur !»« By the eternal earthquake !»« Par le tremblement de terre éternelle !»« Vaya, hombre, vaya !»« Cararo, by gauche !»« Santissima, Maria, sacre !» On aurait pu croire que les différentes nations avaient envoyé là des représentants pour établir un concours de jurements. Trois groupes distincts étaient formés, dont chacun d'eux un langage particulier dominait, et il y avait une espèce d'homogénéité de costume chez les hommes qui composaient chacun de ces groupes. Le plus voisin de moi parlait espagnol. C'étaient des Mexicains. Voici autant que je me rappelle la description de l'habillement de l'un d'eux. Des calzoneros de velours vert, taillés à la manière des culottes de marin, courts de la ceinture, serré sur les hanches, large du bas, doublé à la partie inférieure de cuir noir ornementé de filets gaufrés et de broderies. Fendu à la couture extérieure, depuis la hanche jusqu'à la cuisse, orné de tresses et bordé de rangées d'aiguillettes affairées d'argent. Les fentes sont ouvertes car la soirée est chaude et laissant apercevoir des calzoncillos de mousseline blanche, pendant à large pli jusqu'autour de la cheville. Les bottes sont en peau de biche tannée de couleur naturelle. Le cuir en est rougeâtre. Le bout est arrondi, les talons sont armés d'éperons, pesant chacun une livre au moins, et garnis de molettes de 3 pouces de diamètre. Ces éperons, curieusement travaillés, sont attachés à la botte, par des courroies de cuir ouvrées. Des petits grelots, campanillas, pendent de chacune des dents de ces molettes colossales, et font entendre leur tintement à chaque mouvement du pied. Les calzoneros ne sont point soutenus par des bretelles, mais fixés autour de la taille par une ceinture ou une écharpe de soie écarlate. Cette ceinture fait plusieurs fois le tour du corps. Elle se noue par derrière et les bouts frangés pendent gracieusement près de la hanche gauche. pas de gilet, une jaquette d'étoffe brune brodée, juste au corps, courte par derrière, à la grecque, et laissant voir la chemise elle-même. Un large collet, brodé sur le devant, témoigne de l'habileté supérieure de quelques poblanas à l'œil noir. Le sombrero à large bord projette son ombre sur tout cet ensemble. C'est un lourd chapeau en cuir verni noir, garni d'une large bordure en galons d'argent. Des glands également en argent tombent sur le côté et donnent à cette coiffure un aspect tout particulier. Sur une épaule pend le pittoresque sérapé à moitié roulé. Un baudrier et une gibecière, une escopette sur laquelle la main est appuyée, une ceinture de cuir garnie d'une paire de pistolets de faible calibre, un long couteau espagnol, suspendu obliquement sur la hanche gauche, complète le costume que j'ai pris pour type de ma description. À quelques menus détails près, tous les hommes qui composent le groupe, le plus rapproché de moi, sont vêtus de cette manière. Quelques-uns portent des calzoneros de peau, avec un spencer ou pourpoint de même matière, fermé par devant et par derrière. D'autres ont, au lieu du sérape, en étoffe peinte, la couverture des Navarros avec ses larges raies noires. D'autres laissent pendre de leurs épaules la superbe et gracieuse manga. La plupart sont chaussés de mocassins. Un petit nombre, les plus pauvres, n'ont que le simple garaché, la sandale des Aztèques. La physionomie de ces hommes est sombre et sauvage. Leurs cheveux longs et roides sont noirs comme l'aile du corbeau. Des barbes et des moustaches incultes couvrent leur visage. Des yeux noirs féroces brillent sous les larges bords de leur chapeau. Ils sont généralement petits de taille, mais il y a dans leur corps une souplesse qui dénote la vigueur et l'activité. Leurs membres bien découplés sont endurcis à la fatigue et aux privations. Tous, ou presque tous, sont nés dans les fermes du Mexique. Habitant la frontière, ils ont eu souvent à combattre les Indiens. Ce sont des ciboleros, des vaqueros, des rancheros et des monteros, qui, à force de fréquenter les montagnards, les chasseurs de races gauloises et saxonnes des plaines de l'Est, ont acquis un degré d'audace et de courage dont ceux de leur pays sont rarement doués. C'est la chevalerie de la frontière mexicaine. Ils fument des cigarettes, qu'ils roulent entre leurs doigts, dans des feuilles de maïs. Ils jouent au monté sur leurs couvertures étendues à terre, et leur enjeu est du tabac. On entend les malédictions et les carraros de ceux qui perdent, et les gagnants adressent des ferventes actions de grâce à la Santissima Virgen. Ils parlent une sorte de patois espagnol. Leurs voix sont rudes et désagréables. À une courte distance, un second groupe attire mon attention. Ceux qui le composent diffèrent des précédents sous tous les rapports. La voix, l'habillement, le langage et la physionomie. On reconnaît au premier coup d'œil des Anglo-Américains. Ce sont des trappeurs, des chasseurs de la prairie, des montagnards. Nous choisissons aussi parmi eux un type qui nous servira pour les dépeindre tous. Il se tient debout, appuyé sur sa longue carabine, et regarde le feu. Il a 6 pieds de haut dans ses mocassins, et sa charpente dénote la force héréditaire du Saxon. Ses bras sont comme des troncs de jeunes chênes. La main qui tient le canon du fusil est large, maigre et musculeuse. Ses joues, larges et fermes, sont en partie cachées sous d'épais favoris, qui se réunissent sous le menton et viennent rejoindre la barbe qui entoure les lèvres. Cette barbe n'est ni blonde ni noire, mais d'un brun foncé, qui s'éclaircit autour de la bouche, où l'action combinée de l'eau et du soleil lui a donné une teinte d'ambre. L'œil est gris ou gris-bleu, petit et légèrement plissé vers les coins. Le regard est ferme et reste généralement fixe. Il semble pénétrer jusqu'à votre intérieur. Les cheveux bruns sont moyennement longs. Ils ont été coupés sans doute lors de la dernière visite à l'entrepôt de commerce ou aux établissements. Le teint, quoique bronzé comme celui d'un mulâtre, n'est devenu ainsi que par l'action du hâle. Il était autrefois clair comme celui des blonds. La physionomie est empreinte d'un caractère assez imposant. On peut dire qu'elle est belle. L'expression générale est celle du courage tempéré par la bonne humeur et la générosité. L'habillement de l'homme dont je viens de tracer le portrait sort des manufactures du pays, c'est-à-dire de son pays à lui, la prairie et les parcs de la montagne déserte. Il s'en est procuré les matériaux avec la balle de son rifle et l'a façonné de ses propres mains, à moins qu'il ne soit un peu de ceux qui, dans un de leurs moments de repos, prennent pour partager leur hutte quelques filles indiennes, des Sioux, des Crows ou des Cheyennes. Ce vêtement consiste en une blouse de peau de daim préparée, rendue souple comme un gant par l'action de la fumée. De grandes jambières montant jusqu'à la ceinture et des mocassins de même matière. Ces derniers, garnis d'une semelle de cuir épais de buffalo. La blouse serrée à la taille, mais ouverte sur la poitrine et au cou, se termine par un élégant collet, qui retombe en arrière jusque sur les épaules. Par-dessous, on voit une autre chemise de matière plus fine, en peau préparée d'antilope, de faon ou de daim fauve. Sur sa tête, un bonnet de peau de raccoon orné à l'avant, du museau de l'animal et portant à l'arrière sa queue rayée, qui retombe comme un panache sur l'épaule gauche. L'équipement se compose d'un sac à balles en peau non apprêtée de chat des montagnes et d'une grande corne en forme de croissant sur laquelle sont ciselés d'intéressants souvenirs. Il a pour arme le long couteau, un bowie, l'arme recourbée, un lourd pistolet soigneusement attaché par une courroie qui lui sert la taille. Ajoutez à cela un rifle de 5 pieds de long, du poids de 9 livres, et si droit que la crosse est presque le prolongement de la ligne du canon. Dans tous ces habillements, cet équipement et cet armement, on s'est peu préoccupé du luxe et de l'élégance. Cependant, la coupe de la blouse, en forme de tunique, n'est pas dépourvue de grâce. Les franges du collet et des guêtres ne manquent pas de style. Il y a dans le bonnet de peau de raccoon une certaine coquetterie, qui prouve que celui qui le porte n'est pas tout à fait indifférent aux avantages de son apparence extérieure. Un petit sac ou sachet gentiment brodé, avec des piquants bariolés de porc épic, pend sur sa poitrine. Par moments, il le contemple avec un regard de satisfaction. C'est son porte-pipe, gage d'amour de quelques demoiselles aux yeux noirs, aux cheveux de jais sans doute, et habitant comme lui ces contrées sauvages. Tel est l'ensemble d'un trappeur de la montagne. Plusieurs hommes, à peu de choses près, vêtus et équipés de même, se tiennent autour de lui, dont j'ai tracé le portrait. Quelques-uns portent des chapeaux rabattus de feutre gris, d'autres des bonnets de peau de chat. Ceux-ci ont des blouses de chasse de nuances plus claires et brodées des plus vives couleurs. Ceux-là, au contraire, en portent d'usés et rapiécés, noircis de fumée. Mais le caractère général des costumes les fait aisément reconnaître. Il était impossible de se tromper sur leur titre de véritables montagnards. Le troisième des groupes que j'ai signalé était plus éloigné de la place que j'occupais. Ma curiosité, pour ne pas dire mon étonnement, avait été vivement excitée lorsque j'avais reconnu que ce groupe était composé d'Indiens. Sont-ils donc prisonniers, pensais-je? Non, ils ne sont point enchaînés. Rien dans leur apparence, dans leur attitude, n'indique qu'ils soient captifs, et cependant ce sont des Indiens. Font-ils donc partie de la bande qui combat contre... Pendant que je faisais mes hypothèses, un chasseur passa près de moi. « Quels sont ces Indiens ?» demandai-je en indiquant le groupe. « Des Delawares, quelques Shawnees. » J'avais donc sous les yeux de ces célèbres Delawares, des descendants de cette grande tribu qui, la première sur les bords de l'Atlantique, avait livré bataille au visage pâle. C'est une merveilleuse histoire que la leur. La guerre était l'école de leurs enfants, la guerre était leur passion favorite, leur délassement, leur profession. Il n'en reste plus maintenant qu'un petit nombre. Leur histoire arrivera bientôt à son dernier chapitre. Je me levai et m'approchai d'eux avec un vif sentiment d'intérêt. Quelques-uns étaient assis autour du feu et fumaient dans des pipes d'argile rouge durcie, curieusement ciselées. D'autres se promenaient avec cette gravité majestueuse si remarquable chez l'Indien des forêts. Il régnait au milieu d'eux un silence qui contrastait singulièrement avec le bavardage criard de leurs alliés mexicains. De temps en temps, une question articulée d'une voix basse, mais sonore, recevait une réponse courte et sentencieuse. Parfois un simple bruit guttural, un signe de tête plein de dignité, ou un geste de la main. Tout en conversant ainsi, ils remplissaient leur pipe avec du kinikin-ik et se passaient de l'un à l'autre les précieux instruments. Je considérais ces stoïques enfants des forêts avec une émotion plus forte que celle de la simple curiosité, avec ce sentiment que l'on éprouve quand on regarde, pour la première fois, une chose dont on a entendu raconter ou dont on a lu d'étranges récits. L'histoire de leur guerre et de leur course errante était toute fraîche dans ma mémoire. Les acteurs même de ces grandes scènes étaient là devant moi, ou du moins des types de leur race, dans toute la réalité, dans toute la sauvagerie pittoresque de leur individualité. C'étaient des hommes qui, chassés de leur pays par les pionniers venus de l'Atlantique, n'avaient cédé qu'à la fatalité, victimes de la destinée de leur race. Après avoir traversé les Apaches, ils avaient disputé pied à pied le terrain, de contrée en contrée le long des Allegheny, dans des forêts des bords de l'Ohio jusqu'au cœur de la terre sanglante. Note Bloody Ground, partie du territoire de l'Ohio nommée à cause des combats sanglants et livrée aux Indiens par les premiers colons. Et toujours, les visages pâles étaient sur leurs traces, les repoussant, les refoulant sans trêve vers le soleil couchant. Les combats meurtriers, la foi punique, les traités rompus d'année en année éclaircissaient leurs rangs et toujours refusant de vivre auprès de leurs vainqueurs blancs. Ils reculaient, s'ouvrant un chemin, par de nouveaux combats, à travers des tribus d'hommes rouges comme eux, et trois fois supérieurs en nombre. La fourche de la rivière Osage fut leur dernière halte. Là, l'usurpateur s'engagea de respecter à tout jamais leur territoire. Mais cette concession arrivait trop tard. La vie errante et guerrière était devenue pour eux une nécessité de nature. Et avec un méprisant dédain, ils refusèrent les travaux pacifiques de la terre. le reste de leur tribu se réunit sur les bords de l'Osage. Mais au bout d'une saison, ils avaient disparu. Tous les guerriers et les jeunes gens étaient partis, ne laissant sur les territoires concédés que les vieillards, les femmes et les hommes sans courage. Où étaient-ils allés? Où sont-ils maintenant? Celui qui veut trouver les Delaware doit les chercher dans les grandes prairies, dans les vallées boisées de la montagne, dans les endroits hantés par l'ours, le castor, le bighorn et le buffalo. Là, il les trouvera par bandes disséminées, seuls ou ligués avec leurs anciens ennemis, les visages pâles, trappant et chassant, combattant le Utah ou le Rapaho, le Crow ou le Cheyenne, le Navarro et l'Apache. J'étais, je le répète, profondément ému en contemplant ces hommes. J'analysais leurs traits et leurs habillements pittoresques. Bien qu'on n'en vît pas deux qui fussent vêtus exactement d'eux-mêmes, il y avait une certaine similitude de costume entre tous. La plupart portaient des blouses de chasse, non en peau de daim comme celle des Blancs, mais en calico imprimé, couverte de brillants dessins. Ce vêtement coquettement arrangé et orné de bordures faisait un singulier effet avec l'équipement de guerre des Indiens. Mais c'était par la coiffure spécialement que le costume des Delaware et des Shawnee se distinguait de celui de leurs alliés, les Blancs. En effet, cette coiffure se composait d'un turban formé avec une écharpe ou avec un mouchoir de couleur éclatante, comme en portent les brunes créoles d'Haïti. Dans le groupe que j'avais sous les yeux, on n'aurait pas trouvé deux de ces turbans qui fussent semblables. Mais ils avaient tous le même caractère. Les plus beaux étaient faits avec des mouchoirs rayés de madras. Ils étaient surmontés de panaches composées avec les plumes brillantes de l'aigle de guerre, ou les plumes bleues du gorilla. Note, sorte de petites grues bleuâtres. Leur costume était composé par des guêtres de peau de daim et des mocassins à peu près semblables à ceux des trappeurs. Les guêtres de quelques-uns étaient ornées de chevelures attachées le long de la couture extérieure, et faisant montre des sombres prouesses de celui qui les portait. Je remarquai que leurs mocassins avaient une forme particulière et différaient complètement de ceux des Indiens des prairies. Ils étaient cousus sur le dessus sans broderie ni ornement et bordés d'un double ourlet. Ces guerriers étaient armés et équipés comme les chasseurs blancs. Depuis longtemps, ils avaient abandonné l'arc et beaucoup d'entre eux auraient pu rendre des points ou disputer la mouche à leurs associés des montagnes dans le maniement du fusil. Indépendamment du rifle et du long couteau, la plupart portaient l'ancienne arme traditionnelle de leur race, le terrible tomahawk. J'ai décrit les trois groupes caractéristiques qui avaient frappé mes yeux dans le camp. Il y avait en outre des individus qui n'appartenaient à aucun des trois et qui semblaient participer du caractère de plusieurs. C'étaient des Français, des voyageurs canadiens, des rôdeurs de la compagnie du Nord-Ouest, portant des capotes blanches, plaisantant, dansant et chantant leurs chansons de batelier avec tout l'esprit de leur race. C'étaient des Pueblos, des Indios Manzos, couverts de leurs gracieuses tilmas, et considérés plutôt comme des serviteurs que comme des associés, par ceux qui les entouraient. C'étaient des mulâtres aussi, des nègres, noirs comme du jais, échappés des plantations de la Louisiane, et qui préféraient cette vie vagabonde au coup du fouet sifflant du commandeur. On voyait encore là des uniformes en lambeaux qui désignaient les déserteurs de quelques postes de la frontière, des Kanakas des îles Sandwich, qui avaient traversé les déserts de la Californie, etc., etc. On trouvait enfin rassemblés dans ce camp des hommes de toutes les couleurs, de tous les pays, parlant toutes les langues. Les hasards de l'existence, l'amour des aventures, les avaient conduits là. Tous ces hommes plus ou moins étranges formaient la bande la plus extraordinaire qu'il m'ait jamais été donné de voir, la bande des chasseurs de chevelures.